Si vous donnez un ordre affirmatif avec un pronom, comme le, moi, lui, etc., il faut accoler le pronom à la fin du verbe, mais seulement dans le cas d'un ordre affirmatif, donc dans une phrase affirmative. C'est exactement la même chose qu'avec l'infinitif, quand on disait « venderlo » pour « le vendre », littéralement « vendre le »,« comprarlo » pour « l'acheter ». Alors, si vous voulez dire « acheter le », ça sera, vous vous adressez à « usted ». Lo vende? C'est achetez-le que vous voulez dire, hein, et non pas vendez-le. Ah. Et j'ai dit que quand c'est un ordre affirmatif, alors le pronom le se place après le verbe à l'impératif. Hein, comme en français, où on dit bien achetez-le et non le acheter. La seule différence avec le français, c'est qu'à l'espagnol, le pronom est accolé à la fin du verbe, hein, pour ne former qu'un seul mot. Donc, achetez-le se dira comprez-le. C'est ça, comprez-le. Hein, comprez-le, achetez-le, comprez-le, en un seul mot. Donc, vous avez l'ordre acheter, comprez et le pronom lo qui est accroché à la fin parce qu'il s'agit d'un ordre affirmatif. Et maintenant, si vous dites la même chose, mais en vous adressant à ustedes, achetez-le, vous direz comprenlo. On risque de ne pas vous comprendre, car comprenne n'existe pas en espagnol. Comprenne? Ça n'existe pas non plus. Hein. Sur quelle syllabe devez-vous insister? Comprenne. Bien. Alors, vous voulez dire à un groupe de personnes que vous voyez, à ustedes, achetez-le. Comprenlo. Comprenlo. Mais vous voulez qu'on vous entende bien, clairement. Hein? Dites-le à nouveau. Comprenlo. D'accord. Comprenlo. Hein? Comprenlo. Qui s'écrit en un seul mot. Hein? Tout attaché. Donc, vous voyez que ce soit au présent ou pour donner un ordre à l'impératif, c'est l'avant-dernière syllabe qu'on accentue à l'oral. J'ai juste une question. Si ça s'écrit en un seul mot, et donc c'est devenu un mot à trois syllabes, est-ce qu'il ne faudrait pas un accent écrit? Parce que c'est la première des trois syllabes qu'on accentue à l'oral, non? Comprenlo? On aura besoin d'un accent écrit, non? Très bien observé. Hein? Effectivement, pour que l'insistance reste sur « com », hein, c'est-à-dire sur l'avant-dernière syllabe, en ajoutant « lo » à la fin, on doit ajouter un accent aigu sur le O de « com ». Donc, vous avez raison, c'est « comprenlo », hein, avec un accent aigu sur le O de « com ». ».